Radiomatique. Transmission 450 d'Audiomatique s'ouvrait sur la musique du DJ italien Raffaele Costantino, qui compose sous le pseudonyme Calab. De son album Black Noise 2084, nous écoutions la pièce Dance, à laquelle participe le saxophoniste Shabaka Hutchins. C'est la musique de l'artiste français Damien XVI qui assure maintenant la continuité audiomatique. Il y aura des drones à la place des curés. Nous marierons des clones, nous vendrons des bébés. Nous choisirons les gènes, des bruns ou bien des blonds. En mètres carrés cécire, nous vendrons l'horizon. Nous parquerons les pauvres en troupeaux d'illettrés. Nous les calibrerons dans du béton armé. Nous leur vendrons des dieux puisqu'ils aiment bien prier. Ouais, le cul en arrière, à genoux, tête baissée. Nous ferons des églises, icônes pixelisées. Nous ferons synagogues, nous ferons des mosquées. Nous marierons les tresses, nous marierons les gays. Sur le chemin du Christ, s'en va l'humanité. Sur tous les continents, quel que soit le drapeau. Au Napalm, nous serons, oui, domptés les ghettos. Nous les ferons sourire, oui, face à l'échafaud, qu'ils en diront merci à leur propre bourreau. Nous regarderons fiers les banquises se noyer, nous marquerons au fer les champs des révoltés. Au fond des océans, nous ferons nucléaire. Jusqu'à la fin des temps, nous pourrirons la terre. Nous mettrons du goudron aux ailes des goélands. Sur des lits de pognon, dormiront nos enfants. Si toujours par derrière, le peuple est con, on s'entend. Jusqu'au fond du cimetière, numérique testament. Du cœur de cet humain, violé par les progrès, qui ne servent à rien ou juste à faire du blé. Demain, tu verras bien, nous dirons au bébé qu'il est mieux ou de continuer à ramper. Ne te mets pas debout, homme de ces millénaires, ou juste pour danser, ouais, le cul en arrière. Peuple à genoux, prières sur des satellitaires. Humanité de selfie, d'animaux suicidaires. Nous ferons danser les noirs, financés par les blancs. Nous garderons en laisse toujours les ignorants. Nous ferons parquer les vieux par leurs propres enfants. Nous ferons croire les pieux et même les non-croyants. Nous ferons des milliards qui rêvent de milliardaires. Nous ferons l'esclavage de l'homme par son frère. Nous ferons le paradis pour leur vendre l'enfer. Pour supporter la croix de leur vie sur la terre. Nous ferons quelques riches pour gouverner la meute. Nous leur vendrons du rêve pour éviter l'émeute. Nous mettrons dans des camps ceux qui n'ont de richesse que la mauvaise étoile de ce qu'on tient en laisse. Nous créerons les malades pour nos pharmaceutiques. Nous ferons du potable, le parfum des toxiques. De tous les champs de fleurs, nous ferons du plastique. De notre terre qui meurt, nous ferons l'atomique. Empire des décadences, décadence de l'empire. Des prophéties violences pour les ailes de cire. De ce siècle éclairé par les lumières du vide. Les néons de demain ont le cœur apâtré. Aux hurlements divins sont des balles qui rient. Seras-tu avec moi dans le grand incendie? Quand les hordes de feu viendront tendre les bras, toi dis-moi quoi de mieux que mourir avec toi? Quand la terre s'éteindra, que mourir? Quand les soleils s'inclinent, c'est l'ombre qui grandit à vous faire d'un caillou. d'Audiomatique, nous entendions le groupe canadien Cowboy Junkies. Nous vous avons présenté la chanson « You've got to get a good heart » tirée de son album « Renmin Park » sorti en 2010 et qui constitue le premier volume de la série « The Nomad » qui comprend 4 albums dont les pièces ont été composées sur une période de 18 mois. Michael Timmins, le guitariste du groupe, est allé vivre en Chine pendant 3 mois dans la ville de Jinjiang avec sa famille en 2008. 2 de ses enfants ont été adoptés en Chine. Il a donc été grandement inspiré par ce séjour et particulièrement par ses rencontres qu'il a faites au Renmin Park où plusieurs musiciens de toutes sortes se réunissaient à chaque jour pour performer. Le groupe a même repris 3 pièces d'artistes chinois sur l'album Renmin Park. Précédemment à Cowboy Junkies et ce qui amorçait par le fait même cette séquence musicale, c'était l'artiste français Damien Seize. De son 11e album studio Mot-Clic Humanité, lancé en 2018, il nous interprétait la chanson Humanité. Mentionnons que l'album Mot-Clic Humanité est le 3e album issu du projet artistique Le Manifeste. Ce projet artistique se compose principalement de 4 albums, soit L'Oiseau Liberté sorti en 2016, Loulou sorti en 2017, Mot-Clic Humanité sorti en 2018 et Ni Dieu ni Maître sorti en 2019. Et Audiomatique se poursuit maintenant sur la musique du groupe Faust. We'll be right back.

Audiomatique, nous venons tout juste d'écouter une pièce du jazzman et pianiste Sun Ra, soit Dance of the Living Image, apparaissant sur l'album intitulé The Night of the Purple Moon, qui est paru en 1970. Avant Sun Ra, c'était une pièce de la formation péruvienne Los Atomos de Paramonga, intitulée Pa Oriente Me Voy. Cette pièce est originellement parue en 1972 et on peut la retrouver notamment sur la récente compilation Sonido 2000, la Rebajada de Los Sonideros, publiée par l'étiquette de disque Analog Africa. Et on amorçait la séquence sur la musique du groupe Faust et la pièce titre de son deuxième album So Far, paru en 1972. C'est maintenant au tour du groupe montréalais Godspeed You Black Emperor de se faire entendre à Audiomatique. Les sonoristes vous ont offert à Audiomatique la musique du groupe montréalais Godspeed You Black Emperor de son sixième album Luciferian Towers, paru en 2017. Nous avons entendu les trois parties de la pièce Bosses Hang. C'est la formation islandaise Legend qui jouera les dernières mélodies de cette transmission d'Audiomatique. Nous écouterons la pièce titre du second album intitulé Midnight Champion, paru en 2017. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatique. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes facebook.com/audiomatique-cfou et mixcloud.com/audiomatique si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Et voici donc pour terminer Legend et la pièce Midnight Champion. C'était Audiomatique avec les sonoristes. Society wasted. shirt.